L'actualité à Nancy et ailleurs. Saisy inaugure ce mois-ci un nouveau bâtiment nommé Orion sur son campus de Nancy, qui est à Vendeuvre-les-Nancy, un quatrième bâtiment. Monsieur Digon Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Saisy École d'ingénieurs. Pour faire un rapide portrait du Saisy sur la région nancéenne, c'est donc sur 3 sites, tous à Vendeuvre, avec des vocations bien distinctes. Nous dispensons 2 types de diplômes et c'est ce qui fait la distinction. Nous avons l'école d'ingénieurs qui donne des diplômes d'ingénieurs, c'est-à-dire des diplômes reconnus par, en gros, le monde de l'enseignement supérieur et la recherche. Et puis nous avons une autre école qui s'appelle l'École supérieure de l'alternance qui, elle, donne des diplômes professionnels qui sont donc reconnus par le ministère du Travail ou de l'Industrie, quel que soit leur nom. On va parler de Orion qui vient de sortir de terre après 8 mois de travaux et qui peut accueillir environ 300 étudiants. Alors ce bâtiment, quelle est sa vocation plus précisément ? Alors nous avions déjà 3 bâtiments sur le Technopôle de Vendeuvre, mais nous avions un quatrième bâtiment qui était de l'autre côté sur la route de Maron, dans un quartier qu'on appelle Clairlieu. C'est même le bâtiment d'origine de Saisy Nancy. Ça fait plus de 40 ans que nous y étions installés. Orion, c'est pour remplacer ce bâtiment qui est à Clairlieu, parce que, évidemment, il a pris de l'âge. Pour information, c'est l'ancienne école primaire, école maternelle du lotissement Clairlieu. Mmh. Et ce bâtiment n'était plus du tout adapté aux besoins d'une école d'ingénieurs actuelle. Et le fait de rassembler ces bâtiments, ça a aussi une importance pour le Saisy. Absolument, parce que, en gros, l'école d'ingénieurs était à 2 km de ses collègues. Maintenant, on est à, en gros, 300 mètres les uns des autres. Donc, on va pouvoir vivre forme campus. On va pouvoir faire partager des outils comme le NumériLab ou le Fab Lab à l'ensemble de nos élèves, quel que soit le diplôme qu'ils préparent. Pour expliquer aux auditeurs, un NumériLab, un Fab Lab, c'est quoi ? Alors, le Fab Lab, c'est quelque chose maintenant d'assez usité. C'est un lieu de fabrication archétype, c'est-à-dire nous avons des imprimantes 3D, des découpes laser et des choses comme ça qui sont à disposition à la fois des élèves et des entreprises pour se fabriquer ou faire des tests sur des objets qui pourraient leur être utiles. Le NumériLab est un très gros centre de calcul. Nous en avons 3, un ici à Nancy, un à Reims, un à Strasbourg, qui sont reliés par une fibre optique privée. Et c'est un outil qui a une puissance de calcul telle que nous allons pouvoir mettre à disposition de chacun de nos élèves une station virtuelle. Ce qui veut dire qu'il viendra avec un petit ordinateur portable, même très faible puissance. C'est pas grave, il va se connecter à ce NumériLab et il aura toute l'énergie et toute la capacité de stockage que ça propose. Voilà. Visuellement, c'est très fade. C'est un gros centre de calcul avec des ordinateurs qui ressemblent à d'autres, mais qui sont 10 fois, 15 fois plus puissants. Nous avons une capacité de calcul qui nous permettrait de fabriquer de la crypto-monnaie si on voulait entrer dans l'illégalité. Alors, c'est vraiment des outils qui sont à la pointe pour permettre la bonne préparation de ces futurs ingénieurs. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles ont ce type de matériel. Oui. C'est indispensable pour les préparer à leur avenir. La moitié de nos élèves ingénieurs sont des élèves ingénieurs informaticiens. Et évidemment, il faut qu'ils puissent tester, découvrir les nouvelles technologies. Et pour ça, il faut ce genre de ressources. Alors, reparlons un peu de ce bâtiment. Je l'ai dit tout à l'heure, en 8 mois, il a été construit. Puis, il est bien sûr, il respecte les normes actuelles. Complètement, c'est un bâtiment ultra moderne, avec en effet le respect de toutes les normes de protection du sol, de l'air, une isolation extraordinairement efficace. Pour nous, les salles de cours, évidemment, c'est extrêmement important, l'isolation phonique, et bien là, c'est parfait. Quand quelqu'un toque à ma porte, je suis obligé de hurler pour que la personne entende qu'elle peut entrer. À ce point, effectivement. Très efficace. Donc. Voilà. Donc un bâtiment qu'on aura peut-être l'occasion de découvrir à l'occasion de portes ouvertes. Il y en avait ce week-end, je crois. Il y en aura d'autres programmés. Bien sûr. En particulier, après un salon comme Oriaction, on fait toujours une porte ouverte. En gros, on en fait 5-6 dans le courant de l'année et on communique beaucoup là-dessus. Mais il y a aussi d'autres moments où on propose aux élèves de venir passer une demi-journée dans une des classes pour se rendre compte si ça leur convient, parce que les pédagogies qu'on utilise aujourd'hui sont assez loin des pédagogies traditionnelles, ce qu'on appelle des pédagogies actives, où l'élève fait plutôt que écouter, il fait, et c'est en faisant qu'il apprend. Évidemment, il est accompagné par des professionnels de tout ça. Donc c'est très facile de venir, on a beaucoup de chance, on est sur l'avenue de la Forêt de Haye, qui est l'avenue principale du Technopôle, et l'autobus s'arrête juste devant notre entrée. Voilà. Je vais demander à ce qu'on change son nom, il ne s'appellera plus Forêt de Haye, on va l'appeler l'arrêt Saisy. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année, puis peut-être l'année qui s'annonce ? Ce qu'on pourrait se souhaiter et ce qu'on souhaite à toute notre nation, eh ben c'est la fin de ces complications qui ont des conséquences extraordinairement néfastes sur nos élèves. Le confinement, les difficultés à apprendre à distance, tout ça, c'est vraiment, on en a ras-le-bol. Ras-le-bol et les élèves plus que nous encore. Merci beaucoup, M. Digon Garcia. Merci encore. Merci à vous, M. Antoine. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.